الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans le livre Al-Wajiz, dans le chapitre des ventes. La semaine dernière, on avait terminé d'énumérer les choses qu'il est interdite de vendre et on avait cité la cinquième et sixième chose qu'il était interdit aux musulmans de vendre. La cinquième chose, ou la première plutôt, était le vin et l'alcool. La deuxième, al-maita, la bête morte, ainsi que al-khinziru, ou al-asnam, ainsi que le porc et les statues. Et on a vu également qu'il était interdit de vendre un chien et qu'il était interdit de vendre des images ou des représentations représentant des choses qui ont une âme. Et la semaine dernière, on avait continué en énumérant la cinquième chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Avant qu'ils ne soient mûrs. Et on avait cité le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre un fruit avant qu'il ne mûrisse. Et on avait dit que reconnaître le mûrissement d'un fruit dépendait de ce fruit. Certains fruits mûrissent, on reconnaît qu'ils sont mûrs par leur odeur, d'autres par leur couleur, d'autres par leur goût, d'autres au toucher, etc. Et également, la sixième chose qui est interdite de vendre, ce sont les récoltes avant que les grains ne soient mûrs, avant que les grains ne soient utilisables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre les dattes avant qu'elles ne mûrissent et a interdit de vendre les récoltes ou a interdit de vendre le blé, l'épi de blé, jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Et on avait vu que le blé était blanc lorsqu'il était considéré comme mûr, car lorsqu'il n'est pas mûr, il a de l'eau, il contient de l'eau à l'intérieur qui ne permet pas son utilisation. Ensuite, on avait parlé du chapitre du choix, al-khiyaru. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la définition de al-khiyar? Qu'est-ce que le choix dans le chapitre des ventes? Il faut choisir entre la meilleure des deux choses, entre conclure l'achat ou résilier la vente. C'est d'avoir le choix entre deux choses, à savoir soit continuer la vente, ou soit l'arrêter et l'annuler. Donc avoir le choix soit de continuer, soit d'arrêter, est ce qui est appelé chez les savants al-khiyaru fi babi al-buyu'. Et ce choix se divise en combien? Il y a trois types de choix. Le premier qu'on avait vu, c'était khiyaru al-majlis, c'est-à-dire le choix qui est possible, si on traduit littéralement, al-majlis c'est l'assise. Et on avait expliqué que il n'y a pas besoin d'être assis pour celle qui n'avait pas besoin d'être assis pour pouvoir choisir, et que ce terme assis a été choisi ou a été utilisé car la plupart du temps l'acheteur et le vendeur sont assis. Et donc qu'est-ce que signifie khiyar al-majlis? C'est d'avoir le choix de se retracter avant la séparation de l'acheteur et du vendeur. Donc c'est d'avoir le choix, c'est que le choix est présent à la fois pour le vendeur et à la fois pour l'acheteur, tant qu'ils ne se séparent pas, tant que leur corps ne se sépare pas et tant que l'un ou les deux ne quittent pas le lieu de la transaction. Ou bien, qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur Khiyar al-Majlis? Donc soit les deux ont le choix, ou soit il y en a un qui laisse le choix à l'autre. Soit le vendeur laisse le choix à l'acheteur, ou soit c'est l'acheteur qui laisse le choix au vendeur de pouvoir annuler sa vente à tout moment même dans l'endroit où a lieu la transaction. C'est-à-dire que la transaction en islam, l'endroit où a lieu la vente, dans cet endroit-là, tant que l'acheteur et le vendeur sont dans le même endroit, ils ont le choix à tout moment de rompre la vente. Sauf si l'un a pris l'engagement pendant ou dans cet endroit de ne plus avoir de choix et de ne laisser le choix qu'à l'autre. Dans ce cas, le choix n'est plus aux deux, mais il est seulement à celui qui a été désigné. Et on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِذَا تَبَيَّعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ وَكَانَا جَمِيعًا » Lorsque deux hommes font une transaction, chacun d'eux a le choix tant qu'ils ne se séparent pas et du moment qu'ils sont ensemble, ou bien lorsque l'un donne le choix à l'autre. Et si l'un donne le choix à l'autre et que la vente est conclue, elle doit être conclue selon ce choix. Elle doit être conclue selon cette condition qui est qu'un seul a le choix sans l'autre. Et lorsqu'ils se séparent, alors la vente est conclue. Et lorsqu'ils se séparent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ وَجَبَ الْوَيَا Alors la vente est obligatoire. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur ce choix qui est khiyar al-majlis? Il y a une chose qui est interdite à faire durant le moment où les deux personnes sont dans le même endroit, l'endroit de la transaction. C'est de se dépêcher de partir pour imposer la vente. Ahsan, c'est que l'un ou l'autre, que l'un des vendeurs ou de l'acheteur, Yani, se précipite pour quitter les lieux de peur que soit l'acheteur ou soit le vendeur n'annule la vente, de se presser unique dans l'intention de ne pas laisser la personne ou de peur que la personne annule soit la vente ou soit l'achat. Ceci est interdit. Ensuite, il y a le deuxième type de choix qui est khiyaru Khiyar ou Shart, qui est le choix sous condition. Qu'est-ce que Khiyar ou Shart? Qu'est-ce que c'est dire sous condition? De mettre une condition à la réalisation de la vente. C'est de donner des conditions à ce choix. C'est de donner des conditions au choix. Par exemple, en lui donnant une période de validité. Que les deux se mettent d'accord, qu'ils ont chacun le choix pendant une durée, par exemple, d'un mois. Même après la vente, de se mettre d'accord qu'après la vente, chacun des acheteurs et du vendeur ont le choix de se rétracter pendant un mois. Et ici, cette condition est valable même si la durée est très grande. Même si, par exemple, ils se mettent d'accord pour une période de un an, par exemple. Qu'ils ont le choix, au bout d'un an, durant un an, de rompre et de se rétracter. Tant qu'ils sont d'accord et que les deux sont consentants, ils ont le droit de faire ce type de choix. Comme l'a dit le professeur Asselem, Inna al-mutabayyani bil khiyari fi bay'ihima ma lam yatafarraqa, que le vendeur et l'acheteur ont le choix dans leur vente et dans leur achat tant qu'ils ne se séparent pas. Aou يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا ou bien lorsque un choix est ajouté à cette vente. ثَلِثًا est la troisième type de choix qui est خِيَارُ الْعَيْبِ خِيَارُ الْعَيْبِ qui est le choix de se rétracter à cause d'un défaut. À cause d'un défaut. Et ceci lorsque l'acheteur achète sa marchandise ou son objet et qu'il constate après la vente que cet objet contient un défaut. Il a le droit de le rendre. Il a le droit de rendre cette chose à son vendeur. Et on avait cité comme preuve quel hadith? Comme cela, on peut voir. Le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, c'est sur At-tasriya. Qu'est-ce que at-tasriya? C'est de rendre une bête chargée en l'air. At-tasriya, en elle-même, c'est quoi? C'est le fait de de ne pas traire un animal volontairement, de laisser le lait dans les mamelles volontairement pour faire croire à l'acheteur que cet animal est abondant en lait. C'est ce qui est appelé at-tasri'a. Et ceci est interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achète un animal qui a été victime de tasri'a, c'est-à-dire dont le lait a été laissé volontairement dans les mamelles, puis la trait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa in radiyaha amsakaha wa in sakhataha raddaha wa sa'an min tamr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il la trait, soit il est satisfait d'elle, malgré qu'il ait repéré ce défaut, et dans ce cas-là, il la garde, ou bien alors, il n'est pas satisfait de cette bête, et dans ce cas, il la rend avec un sa' de dattes, en guise de compensation du lait qu'il a trait. Et on avait cité, que l'auteur n'a pas cité, mais on avait cité un autre hadith dans Sahih Muslim, la version de Sahih Muslim, qui limite ce temps à combien de jours? Pour celui qui découvre que l'animal a été victime de tasri'a. Il a 3 jours. Dans la version de Muslim, il a 3 jours. C'est-à-dire, il a 3 jours pour rendre la bête avec un sa' de tamr. Et cette version de Sahih Muslim vient restreindre le jugement qui est rapporté dans l'autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, qui lui ne parle pas de période. Et dans la version de Muslim, il y a la période de 3 mois. De 3 jours, à fond. Ensuite, on avait entamé le chapitre de l'usure, al-riba. On avait donné la définition de riba qui est... Non, c'est d'ajouter une chose à une autre, ou bien le fait qu'une chose grandisse en elle-même, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, اهتزت وربت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Comme Allah Azza wa Jal a parlé de l'eau, de la terre, et tu vois la terre morte, et lorsque nous faisons descendre sur elle de l'eau, elle remue et se gonfle. Elle remue et se gonfle. اهتزت وربت. C'est-à-dire qu'elle grandit et qu'elle grossit en volume. Et là, Allah Azza wa Jalla a utilisé le mot rabat, qui vient du mot raba yarbu, qui vient du verbe raba yarbu. Donc ici, l'eau a gonflé et c'est l'eau elle-même qui a gonflé. Ou bien, riba, c'est le fait d'ajouter une chose à une autre, ou ajouter une chose en échange d'une autre, comme de donner un dirham en échange de 2 dirhams. Ici également, c'est du riba. Quel est son jugement? Sainte. Al-riba est interdit dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également interdit à l'unanimité de la communauté. Ijma'u al-umma. Qu'est-ce que ça veut dire ijma'u al-umma? Ijma'u al-umma. Le consensus et l'unanimité de la communauté. C'est quoi la communauté? Communauté musulmane. Mais quand on parle de l'unanimité de la communauté musulmane, est-ce que ça veut dire que... Par l'unanimité des savants? Non, mais ici, il faut comprendre l'unanimité des savants. Car si tu donnes comme condition que tous les musulmans sont unanimes, c'est-à-dire que chacun des musulmans, cela n'est pas possible. Ça fait 1 milliard d'avis. Non. Après, ça fait 1 milliard d'avis. Ça fait 1 milliard, mais... Quand vous étudiez au Usul al-Fiqh, quand on parle justement de l'ijma', de l'unanimité, certains savants sont même allés à dire que l'unanimité n'est pas reconnue si à la fois les êtres humains et les djinns sont unanimes. Parce que est-ce que les djinns font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux deux, à la fois aux êtres humains et aux djinns. Donc si tu donnes comme condition l'unanimité de tous les musulmans, tu dois aussi demander l'unanimité de tous les djinns, et c'est quelque chose d'impossible. Donc quand on parle d'ijma al-umma, de l'unanimité, le consensus de la communauté, c'est-à-dire le consensus des savants de l'islam. Donc dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ô vous qui avez cru, délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyants. Et ici Allah Azza wa Jalla s'est adressé, car autant avant l'arrivée de l'islam, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se prêtaient de l'argent jusqu'à un temps donné, et arrivé cette échéance, le prêteur ou l'emprunteur disait à celui qui a emprunté: soit tu rembourses, ou soit imma an taqdi wa imma an turbi. Donc soit tu rembourses ta dette, ou soit je te rajoute, c'est-à-dire que je te prolonge la durée, mais en retour tu me donneras plus. Et Allah Azza wa Jal, lorsque l'islam est arrivé, Allah Azza wa Jal a aboli ce riba, qui est appelé chez les savants riba al-jahiliya. C'est le pire, c'est la pire forme d'usure. Allah Azza wa Jal a dit: ô vous qui avez cru, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyant. C'est-à-dire, vous qui avez prêté de l'argent, ne reprenez pas plus que ce que vous avez donné. Falakum, Allah a dit dans l'autre verset, falakum ru'usu amwalikum, à vous votre capital d'argent, c'est-à-dire l'argent, la somme que vous avez prêtée, et ne pas prendre plus. Et d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit: yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah anéantit l'usure et fructifie les aumônes. Quant au hadith, le prophète sallam a considéré riba ou la cité parmi les sept péchés destructeurs. Parmi ces sept péchés, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a riba. Et également, celui qui consomme de l'usure, ou celui qui la donne à consommer, ou celui qui atteste ou qui signe un contrat, ou qui écrit un contrat, ou qui est témoin d'un contrat, qu'est-ce qu'il encourt? La même sanction que celui qui a pratiqué l'usure. Oui, mais quelle est leur sanction? Ils sont tous égaux, comme a dit le professeur Asselin, dans le châtiment, mais quel est leur châtiment? Ou quel est leur ce qu'ils encourent? La masse d'une guerre d'Allah, de son prophète. C'est la malédiction d'Allah. Comme l'a dit le professeur Sam, la'ana Allahu akla riba, Allah maudit celui qui consomme l'usure, wa mukilahu, celui qui le donne à consommer, wa katibahu, celui qui écrit le contrat, wa shahidayhi, et les deux témoins, kulluhum, comme l'a dit le professeur Sam, hum sawa, ils sont pareils, ils sont égaux. Et les savants l'ont déduit, comme on l'a vu la semaine dernière, que celui qui aide, ou qui facilite, ou qui ouvre un chemin vers un mal, est considéré comme l'avoir fait, comme celui qui ouvre une porte vers le bien, ou qui montre le chemin du bien à une personne, eh bien c'est comme si il l'avait accompli, c'est-à-dire ce bien. Et c'était là où on s'était arrêté. يقول المؤلف عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة حديث صحيح رواه الحاكم. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'usure comporte 73 portes. La plus facile ou la moins pire consiste ou est équivalente à ce qu'un homme ait des rapports avec sa mère, ou à ce qu'un homme se marie avec sa mère. Wal'ayadu billah, hadith authentique inventé par Al-Hakim. Donc dans ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le professeur sallam a dit: al-riba, l'usure, comporte 73 portes. C'est-à-dire, quand on parle de porte, c'est-à-dire il y a 73 sortes, 73 catégories, 73 situations d'usure. Aïsaruha, c'est-à-dire celle qui est la moins pire, la situation ou le cas le moins pire des 73 est équivalent, c'est-à-dire sa gravité, de ce plus petit degré d'usure parmi ces 73, le plus petit est équivalent à ce qu'un homme ait des rapports avec sa femme, avec sa mère, wal'iyadu billah. Awan yankiha ar-rajul umma, ou bien qu'un homme se marie avec sa mère. Et ceci, le fait de pratiquer l'inceste, c'est quelque chose de répugnant que seules quelques personnes l'autorisent qui connaissent. Al-Majus, les mages, les adorateurs du feu, ce sont eux qui autorisent l'inceste entre un frère et sa sœur. Ils autorisent, wal'iyadu billah, qu'un homme se marie avec sa sœur et vice-versa. وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. سيدنا عبد الله بن مسعود il rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit Afwan, selon Abdullah ibn Hanzalah, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un dirham d'usure que consomme un homme en sachant, c'est-à-dire en sachant que c'est de l'usure et en connaissant l'interdiction de ceci, est pire que de faire l'adultère 36 fois, wal'iyadu billah, et pire que de forniquer 36 fois. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas une personne qui a abondamment utilisé l'usure sans que sa fin ne soit la plus petite. C'est-à-dire sans que sa fin ne soit ila qilla, c'est-à-dire que au bout du compte, il aura toujours moins d'argent. Et au bout du compte, le but de l'utilisation de l'usure qui était pour lui de fructifier son argent et d'en avoir plus, eh bien, il se... La situation se retournera contre lui un jour ou l'autre et il perdra de l'argent au lieu d'en gagner. Aqibatul riba ila qil, comme a dit le professeur Saint dans un autre hadith, que la fin et la destination de l'usure, c'est la diminution. Et ceci a été est visible à notre époque. Combien de personnes se retrouvent endettés parce qu'ils ont utilisé l'usure? Combien de personnes ont emprunté de l'argent dans les banques pour acheter une maison et se retrouvent dans une situation financière difficile et sont obligés de donner ce qu'ils doivent donner à la banque tous les mois, même s'ils n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants? Et ceci est de plus en plus fréquent à notre époque, et ces personnes regrette lorsqu'elle se retrouve dans cette situation, mais malheureusement c'est trop tard, et c'est là où elle se rend compte de l'islam, et qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il interdit quelque chose, c'est pour le bien de l'humanité, pour le bien de la communauté musulmane. Allah Azza wa Jal, quand il interdit quelque chose, il y a une sagesse derrière. La connaît celui qui la connaît et l'ignore celui qui l'ignore, mais la sagesse est bel et bien présente et réelle. Donc, celui qui consomme l'usure, ou celui qui la donne à consommer, c'est-à-dire celui qui prête de l'argent et exige qu'on lui rende plus au bout d'un certain temps, qu'il sache que la parole du prophète Hassan est vraie et que sa situation va se finir par une diminution, voire une perte de ses biens. Et également, celui qui emprunte de l'argent en se mettant d'accord sur un taux d'intérêt qu'il devra rembourser selon une période bien définie, en pensant que cela est plus aisé pour lui, en pensant que c'est le seul moyen de s'acheter une maison et qu'il était vraiment nécessaire de s'acheter une maison, etc., etc., qu'il sache qu'un jour ou l'autre, cela va se retourner contre lui. Et si cela ne se retourne pas contre lui, eh bien cela se retournera, voilà, il y a de Bella, un jour ou l'autre, sur ses enfants, qu'Allah nous en préserve. Aqsamuhu, les différentes sortes de d'usure. Wa riba qisman, riba nasi'a wa riba al-fadl. أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم للسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. Donc il y a deux sortes d'usure, riba qisman, riba nasi'a wa riba al-fadl. Il y a tout d'abord ce que les savants appellent riba nasi'a, qui est l'usure due au retardement, et riba al-fadl, qui est l'usure qui est due à l'accroissement, le fait d'ajouter, à l'ajout. Donc il y a riba al-nasi'a qui est dû au retardement dans le temps, et riba al-fadl qui est l'usure de l'ajout. On va expliquer. Riba al-nasi'a, l'auteur dit, فَأَمَّا riba al-nasi'a فَهُوَ زِيَادَةُ الْمَشْرُوطَةُ الَّتِي يَأْخُدُهَا الدَّهِنُ مِنَ الْمَدِينِ نَظِيرَ التَّأْجِيلِ. Le premier qui est riba al-nasi'a, et al-nasi'a, ça vient du mot al-nasi. Ou al-nasi ou bien al-nasa signifie en arabe al-ta'khir. Signifie en arabe al-ta'khir, c'est-à-dire le fait de retarder quelque chose. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, innama al-nasi'u ziyadatun fil kufr. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans surat al-Tawbah, innama al-nasi'u ziyadatun fil kufr. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله عز وجل dit إنما النسيء زيادة في الكفر. Que le retardement est un ajout dans la mécréance. Et ici Allah عز وجل parle des mouchriquins qui, avant l'arrivée de l'islam, il faut savoir tout d'abord que pendant les 4 mois sacrés, qui sont le mois de Muharram, quels sont les mois sacrés ? Dhul Qi'da, Dhul Hijja, Muharram et Rajab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Rajab, qui est entre eux. Entre Sha'ban et. Le prophète a dit dans le hadith que les 4 mois sacrés, il y en a 3 consécutifs et il y en a un qui est entre 2 mois. Les 3 consécutifs sont Dhul Qi'da, Dhul Hijja et Muharram. Et celui qui est entre 2 mois, c'est Rajab, qui est entre. Personne ne connaît l'ordre des mois de l'égir. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qi'da, Dhul Hijja. Donc Rajab, c'est entre Jumad al-Thani et Sha'ban. Et donc, durant ces 4 mois sacrés, il était interdit aux polythéistes de combattre à Mecca, à la Mecque. Il était interdit de combattre durant ces 4 mois, que ce soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Et qu'est-ce que faisaient les mouchriquins, les polythéistes ? il retardait. Il retardait et disait Muharram a été retardé ce mois-ci. C'est le mois prochain. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Et ceci pour autoriser le combat même durant un mois sacré. Autrement dit, ils désignaient eux-mêmes les mois sacrés. Ils désignaient eux-mêmes les mois sacrés. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Ceci était utilisé par les polythéistes afin de rendre licite un mois, une année, et de le rendre interdit l'année suivante. Yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Donc ici, an-nasi signifie le fait de retarder. Donc le Tao dit, Riban Nasi'a, c'est l'ajout qui est conditionné ou qui a été mis en accord que prend l'emprunteur de celui qui a emprunté, et ceci pour compenser le retard. Ceci pour compenser le retard. Donc ça c'est Riba. C'est l'ajout qui est mis, qui a été. C'est l'ajout al-mashrouta qui est une condition pour un prêt, pour un emprunt. Donc c'est un ajout qui est défini. Je te prête 10 000, tu me rends 12 000. Ces 2 000 là, c'est riba al-nasi'a, donc qui est une condition pour le prêt. Et cette usure, qui la prend ? Yakhudhuha ad-da'in. Qui la prend, cette usure ? L'emprunteur. Il la prend de qui ? De celui qui a emprunté. Il la prend de celui qui a emprunté. Nadhir at-ta'jil. Et ceci pour compenser le temps et la durée. Wa hadha an-naw'u muharramun bil-kitab was-sunnah wa ijma'i al-ummah. Et ce type d'usure est interdit dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité de la communauté. Et c'est ce que les savants appellent riba al-jahiliya. Et c'est celui cette usure là qui est visée dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba wa dharu ma baqiya min al-riba, et délaisser ce qu'il reste de l'usure, c'est-à-dire riba an-nasi'a, c'est-à-dire riba an-nasi'a. Wa amma riba al-fadl, et l'usure de l'ajout ou du surplus, fa huwa bay'u an-nuqud bin-nuqud aw at-ta'am bit-ta'am ma'a ziyada, c'est-à-dire de vendre de l'argent par de l'argent ou de la nourriture par de la nourriture en ajoutant. وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. Et ceci est interdit dans la sunna du prophète sallam, est interdit à l'unanimité des savants, car c'est un moyen qui emmène ou qui amène au fur et à mesure du temps à ribal nasiya. C'est un moyen qui va amener par la suite au riba al-nasi'a. C'est clair ou pas ? Sur riba al-fadl, c'est vendre de l'argent contre de l'argent en y ajoutant une somme, c'est ça ? Avec un ajout. Par exemple, c'est de vendre, je te vends 1 kilo d'or pour 1 kilo et demi d'or. Ici, j'ai vendu de l'or par de l'or avec un ajout qui est 500 grammes d'or. Ceci est interdit. Vous allez me dire, mais pourquoi vendre de l'or par de l'or ? C'est quoi vendre de l'or par de l'or ? J'ai de l'or, t'as de l'or, c'est bon. Garde ton or et je garde le mien. Mais il y a des fois, par exemple, quelqu'un qui a un lingot d'or. Il a un kilo d'or. Il a un lingot. Et une autre personne qui a lui un kilo d'or mais en bijoux, des bracelets, des colliers, et il décide et celui qui a le lingot aurait aimé avoir ou désire avoir les bijoux, et celui qui a les bijoux désire avoir le lingot. Donc l'un dit, je te donne 1 kilo d'or en bijoux, et toi tu me donnes 1 kilo d'or en lingot. Est-ce que ceci est autorisé? Oui, car il a vendu de l'or par de l'or, et le poids est le même. Mais si l'un dit non, moi je veux bien prendre tes 1 kilo de bijoux, ou plutôt celui qui veut prendre le lingot, il dit, moi je te prends le lingot, je te donne 1 kilo d'or en bijoux, mais je veux que tu me rajoutes 100 grammes d'or en plus du lingot. Là, ces 100 grammes sont considérés comme riba. Et quelle sorte de riba? Riba al-fadl. Riba al-fadl, car il y a un ajout. D'accord? Et pareil pour At-Ta'am. On va voir, Inch'Allah, par la suite, qu'est-ce que signifie At-Ta'am. Par exemple, il y a différentes sortes de blé. D'accord? Je peux te donner 1 kilo de blé d'une telle sorte, même si elle est meilleure, mais tu dois me donner 1 kilo de blé d'une autre sorte. Et tu n'as pas le droit de me donner plus. Tu n'as pas le droit de me donner plus. Même si la qualité de mon blé à moi est moindre que la qualité que toi tu vas me donner. C'est clair? Taïb, quelle est la solution? Non. Même si les deux parties sont d'accord, parce que Allah et son prophète ne sont pas d'accord. Et on va voir, inshallah, par la suite, le hadith, où le prophète explique de façon claire que on ne peut pas vendre 1 kilo, on ne peut pas vendre un poids de blé, par exemple, contre un poids de blé supérieur. Et si ton blé à toi est meilleur que celui que tu veux acquérir, et que tu ne pourras avoir qu'un kilo, la même quantité que toi tu donnes, si tu veux vraiment t'acquérir ce blé qui est meilleur, non, tu vends ton blé. Tu vends ton blé, et avec l'argent tu achètes le blé qui est de qualité supérieure. Mais tu n'as pas le droit de donner un blé, tu n'as pas le droit de donner 1 kilo de blé d'une quantité médiocre et avoir par exemple 800 grammes ou 500 grammes de blé d'une qualité maximum. Et s'il donne la même quantité et plus d'argent, l'argent en plus, c'est du riba. Non, c'est du riba. C'est du riba. Et on va voir, Inch'Allah, les hadiths sur ce sujet par la suite. Il y a pas un hadith sur les dates, quoi. C'est pas ça. On va voir, Inch'Allah, le hadith, il arrive. Et pourquoi il dit que ça peut mener à l'autre sorte de riba? Parce que, en général, dans le riba al-nasi'a, il y a toujours un surplus. Mais c'est pour le c'est pour compenser. En général, comment? Le premier, c'est pour compenser le temps, c'est ça? C'est pour compenser le temps. Et par exemple, moi, je te donne, je te vends 1 kilo d'or pour 1 kilo et demi. Tu me donnes 1 kilo, je te donne 1 kilo et demi. Ces 500 grammes-là font partie de riba al-fadl. Et on s'est échangé, on s'est vendu la marchandise sur le champ. C'est-à-dire, je t'ai donné 1 kilo d'or en bijoux et tu m'as donné 1 kilo et demi d'or en lingot, par exemple. Là, c'est riba al-fadl. Est-ce que dans ce cas, il y a un nasi'a? Est-ce qu'il arrive à Nasi'a dans cette situation? Non. Pourquoi? Parce que l'échange s'est fait de suite. Dans l'endroit de la transaction, je t'ai donné 1 kilo de bijoux et tu m'as donné 1 kilo et demi d'or en lingot. D'accord? Dans la même assise. Ici, il y a des belles fables. Pourquoi? Parce que il y a 500 grammes d'or en trop. D'accord? Si je te dis, voilà, je te donne 1 kilo de bijoux en or, et toi tu me donnes 1 kilo et demi en lingot, mais dans une semaine. Dans une semaine. Ici, il y a combien de types de riba? Il y a les deux. Il y a riba al-fadl, qui est l'ajout, et il y a riba al-nasi'a, qui est la semelle. Parce que quand tu vends de l'or, on va voir les autres catégories, la vente doit se faire sur le champ. Tu n'as pas le droit de la retarder. Tu n'as pas le droit de la retarder. Par exemple, si tu vas chez un bijoutier, tu lui dis, voilà, j'ai un bracelet qui pèse 100 grammes. J'aimerais l'échanger, qu'est-ce que tu me proposes? Il te dit, bah, si tu veux, je te propose 3 bagues en or, dont le total fait 100 grammes. D'accord? Tu es satisfait, le bijoutier est satisfait. Le souci, c'est que le bracelet que tu as, qui pèse 100 grammes, tu ne l'as pas avec toi. Il est chez toi. Est-ce que tu as le droit de prendre les 3 bagues d'or et de dire au bijoutier, je te les ramène dans une heure, je te ramène le bracelet dans une heure? Oui ou non? Oui ou non? Non. Pourquoi? Non, parce que quand tu vends de l'or avec de l'or ou par de l'or, la transaction doit se faire sur le champ. Tu dois avoir le bracelet avec toi et le donner directement au bijoutier. Et le bijoutier doit avoir avec lui ces 3 bagues et te les donner. L'échange doit être instantané. Pour cela que les savants disent, entre deux natures, parmi les rabawiyettes, on va les rabawiyettes, ce sont les choses que tu n'as pas le droit de vendre à surplus. Lorsque tu vends la même chose, la même nature. Que lorsque tu vends deux choses de la même nature, qui font partie des rabawiyettes, comme aussi dans le hadith plus tard, il y a deux conditions. La première, c'est que tu ne dois pas ajouter sur le poids ou sur la mesure. Et la deuxième chose, c'est que la transaction doit se faire sur le champ. Alors, sinaf ulati yahrumu fiha riba. Donc ensuite, l'auteur dit les types de choses ou les différentes catégories dans lesquelles il est interdit de faire riba. ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث. L'auteur dit, et l'usure n'intervient que dans les 6 cas ou les 6 catégories renseignées ou dont il est fait allusion ou dont il est qu'ils sont cités. L'usure n'intervient que dans les 6 catégories citées dans le hadith suivant. Al-Ubadah ibn Samit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حديث صحيح رواه مسلم. Quel est ce hadith? Le hadith de Ubada ibn Samit رضي الله عنه qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'or par l'or, l'argent par l'argent, le blé par le blé, l'orge par l'orge, la date par la date, ou les dates par les dates, le sel par le sel, mithlam bi mithl, c'est-à-dire même proportion, sawa an bi sawa, exactement, yadan bi yad, de main à main. Et lorsque ces catégories sont différentes, alors vendez comme vous le souhaitez, lorsque ceci est fait de main à main. Hadith authentique apporté par Muslim dans son Sahih. Et Hadith Ubad ibn Samit est extrêmement important dans le chapitre de Riba. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 6 catégories. Quelles sont ces 6 catégories? Al-Zahabu bil-Zahab. Il a cité l'or. L'or par l'or. Wal-Fiddatu bil-Fiddah. L'argent par l'argent. wa al-burru bil-burr, le blé par le blé, wa al-sha'iru bil-sha'ir, l'orge par l'orge, wa al-tamru bil-tamr, la date par la date, wa al-milhu bil-milh, et le sel par le sel. Six catégories qui sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, la date, les dates et le sel. Ce sont ce que mes savants appellent al-rabawiyyat. C'est-à-dire que ces choses, lorsque tu les vends, ils ont des spécificités. Et l'usure intervient dans la vente de ces catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, donc il a dit l'or par l'or, c'est-à-dire lorsque tu vends de l'or par de l'or, ou bien de l'argent par de l'argent, ou bien du blé par du blé, de l'orge par de l'orge, des dattes par des dattes, du sel par du sel. Donc ici on a expliqué tout à l'heure ce que signifie vendre de l'or par de l'or, de l'argent par de l'argent également. Quand on parle de l'argent, c'est le métal. Tu as de l'argent sous une forme et tu aimerais l'acquérir sous une autre forme. Le poids doit être égal et identique. Le poids d'argent que tu prends en échange d'une autre forme d'argent doit être le même, au gramme près. Il doit être le même, exactement le même. Si je t'ai vendu 1096 grammes d'argent sous une forme et que toi tu as de l'argent sous une autre forme, tu dois me donner 1096 grammes. D'accord ? Et le gramme de trop sera considéré comme riba. Également le blé par le blé, il y a différentes catégories de blé. L'orge par l'orge, il y a différentes catégories d'orge. La date par les dates, il y a différentes catégories de dates, et également le sel par le sel, qui également, il y a plusieurs sortes de sel. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « mithlan bi mithl », c'est-à-dire « pareil », c'est-à-dire « similaire ». Similaire. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « mithlan bi mithl », c'est-à-dire que ce doit être similaire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans la similitude? Est-ce que c'est une similitude dans la description ou est-ce que c'est une similitude dans la quantité? Ici, le prophète a dit mithlan bi mithl, ça veut dire qu'ils doivent être similaires. Si on traduit comme ça littéralement, mithlan bi mithl, ça veut dire similaire, mais similaire dans le poids ou dans la description? Parce que si c'est dans la description, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre un blé d'une catégorie connue ou d'une sorte connue par un blé d'une autre sorte. Si tu dis que la similitude ici dans ce hadith, c'est la similitude dans la description ou dans la qualité, ou est-ce que c'est une similitude dans la quantité? C'est-à-dire que le poids doit être le même. Que la mesure, si c'est a été mesurée par des sa', etc., des aswa', que je te donne trois mouds d'orge pour trois mouds d'orge, par exemple. Et si la similitude, c'est quoi? C'est la qualité, la description, ou est-ce que c'est la quantité? La quantité. Quelle est la preuve dans le corps que mithl signifie la quantité? Dans le Coran, il y a une preuve. Allah vous l'a dit, khalaqa sab'a samawati. Dans le verset, Allah a dit Allah qui a créé les sept cieux, a créé les sept cieux, wa min al-ardi mithlahun, et il a créé la terre de la même façon, de façon similaire. C'est-à-dire qu'il a créé le même nombre qui est de 7. Et d'où la parole des savants qui disent qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Quelle est la preuve qu'il y a 7 terres en dehors de ce verset? Aucune. Nulle part dans le Coran, il est cité qu'il y a 7 terres. sauf dans ce hadith, sauf dans ce verset. Allah a dit wa min al-ardi mithlahum, et il a créé la terre de la même façon, c'est-à-dire au nombre de 7. Et également le professeur Hassan, lorsqu'il a dit mithlan bi mithl, c'est-à-dire de la même façon, c'est-à-dire la même quantité. Mithlan bi mithl. Sawa'an bi sawa', c'est-à-dire exactement. Et le professeur Hassan a voulu ici appuyer la première phrase qui est mithlan bi mithl, c'est-à-dire qu'ils doivent être de la même quantité, il doit y avoir le même poids, le même poids de mesure ou la même mesure, sawa'an bi sawa', c'est-à-dire de façon exacte. Yadan bi yad. Yadan bi yad, c'est-à-dire de main à main. C'est-à-dire de main à main. Mithlan bi mithl vient interdire quelle sorte de riba? Riba al-fadl. Parce que le Prophète a dit mithlan bi mithl, c'est-à-dire exact, similaire dans la quantité et dans la mesure, c'est-à-dire que ceci interdit riba al-fadl, qui est l'ajout. Yadan bi yad, de main à main, c'est-à-dire que la transaction doit se faire sur place. Yadan bi yad, c'est-à-dire je te donne et tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Et ceci vient interdire quel type de riba? Riba nasi'a, qui est le fait de retarder. Qui est le fait de retarder. Puis le professeur Hassan a dit فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, et lorsque ces catégories sont différentes, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, lorsque vous vendez une catégorie par une catégorie différente, alors vendez comme vous le désirez. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدْ, si cela est fait de main à main. Donc dans ce hadith, le professeur Hassan nous dit que lorsque les catégories sont différentes, c'est-à-dire, par exemple, je te vends du blé par de l'orge. Je te vends du blé par de l'orge. Ici, est-ce que les catégories sont... Est-ce que la nature est différente ou pas? Le blé, ce n'est pas l'orge. Donc, si on applique le hadith du professeur Hassan, lorsque les catégories sont différentes, فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, vendez alors comme vous le voulez. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, sauf à condition que cela soit fait de main à main. Vendez comme vous voulez, c'est-à-dire rajoutez comme vous voulez. C'est-à-dire que je peux te vendre 1 kg de blé pour 10 kg d'orge. Est-ce que j'ai le droit? Pourquoi? Parce que ce sont deux natures différentes. Ce sont deux natures différentes. Non. C'est-à-dire, bah c'est du troc, ça. Non, c'est autorisé à partir du moment où les catégories, où la nature est différente. Où je te vends du blé et toi tu me donnes de l'orge. Là j'ai le droit de te donner 1 kg de blé et toi tu as le droit de me donner 10 kg d'orge, si bien sûr on est d'accord. Et on s'est mis d'accord sur ça. À condition, comme l'a dit le professeur Hassan, il a kana yadan biyad. À condition que cela se fasse de main à main. C'est-à-dire à condition que je te donne le blé sur place et que toi tu me donnes l'orge sur place. Et est-ce qu'on peut échanger 1 kg de blé avec 1 kg d'orge? Bien sûr. Fabi'u kayfa shi'tum. Le professeur Hassan m'a dit vendez comme. Comme vous le voulez, comme vous le désirez, ce qui est le mieux pour vous, et bien sûr, en respectant les conditions de la vente, comme on avait dit, parmi les conditions, il y a at-taradi, il y a l'accord et le consentement du vendeur et de l'acheteur. Ouais. Non. Là, on parle du terme de la vente. On parle du terme de la vente. Pas de l'échange. Ça peut être un échange. Ça peut être un échange. Bien sûr. الذهب بالذهب. On peut voir ça comme un échange, on peut voir ça comme une vente. Et c'est uniquement ces six catégories. Justement, j'allais en venir. Et avant de parler des six catégories, il y a une chose qu'on peut comprendre du hadith Donc si on regarde le hadith dans sa totalité, le professeur Hassan me dit فَإِدَخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافَ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Lorsque les catégories, lorsque la nature diffère, vendez comme vous le voulez, à condition que cela se fasse de main à main. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, on a donné l'exemple du blé et de l'orge. On a le droit d'ajouter, il y a le droit d'avoir un ajout entre les deux, à condition que cela se fasse sur place. Par exemple, de vendre de l'orge par du sel. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Ou d'échanger de l'orge par du sel. Comme on veut, à condition que cela se fasse sur place. Pareil pour le sel et le blé. Maintenant, si on prend l'or et l'argent, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Pareil, j'ai le droit de te vendre 1 kilo d'or, par exemple, pour 10 kilos d'argent. D'accord ? L'or, ce qui est connu, c'est que c'est beaucoup plus précieux que l'argent, mais à condition que cela se fasse sur place et sur le champ. Maintenant, je vends de l'or pour du blé, par exemple, par du blé. Tu me donnes du blé, je te donne de l'or. Qu'est-ce qui est autorisé ? Non ? Tu peux acheter du blé avec de l'or. Et c'est quelles sont les conditions ? On comprend de ce hadith que tout doit se faire sur place. Mais cette transaction-là, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous autorise de retarder. Parce que on va voir par la suite. Et il y a une divergence des savants concernant les six catégories. Certains savants, qui sont les plus minoritaires, considèrent que Ar-Riba intervient uniquement dans ces six catégories et ces six catégories seulement. L'or, l'argent, le blé, l'orge, la date, les dattes et le sel. Et c'est l'avis de l'imam Ibn Hazm et de Ahl-Zahir. L'imam Ibn Hazm dont son madhab c'était avahir, c'est-à-dire qu'il ne prenait que le texte apparent, c'est-à-dire que je ne prends que le hadith. Tout ce qui est en dehors du hadith, je ne prends pas. Le professeur Asselam a cité les six catégories, je ne cherche pas à savoir pourquoi, et je ne cherche pas à savoir comment. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de similaire ou pas. Et la plupart des savants, Jumhur ul-Ulama, eux disent que Ar-Riba intervient sur ces six catégories et autres. Sur ces six catégories et tout ce qui est similaire à ces catégories. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, Jumhur ul-Ulama. Justement. Ils sont déjà unanimes, ou la plupart, Jumhur ul-Ulama, considèrent que Ar-Riba n'est pas propre à ces six catégories, à ces six natures, mais à beaucoup d'autres. Et là où il y a une divergence entre eux, c'est-à-dire entre ceux qui considèrent que ce n'est pas que les six, il y a une divergence entre eux. Certains ont dit, c'est tout ce qui est pesable et mesurable. Tout ce qui est pesable et mesurable entre dans Ar-Riba, ou Ar-Riba intervient dedans. Ils ont d'abord différencié et séparé le hadith en deux. Ils ont séparé Al-Dhahab wal-Fidda d'un côté, et ils ont mis Al-Bur wal-Sha'ir wal-Tamr wal-Milh d'un autre côté. Ils ont divisé le hadith en deux. Ils ont dit, le prophète sallam a d'abord parlé de l'or et de l'argent. Puis il a parlé de la nourriture. Ils ont dit l'or et l'argent est similaire à l'or et l'argent, tout ce qui a une valeur, tout ce qui est une monnaie d'échange. tout ce qui est considéré comme une monnaie d'échange a le même jugement que l'or et l'argent. Et à notre époque, quelle est la monnaie d'échange? Les espèces, la liquidité. C'est ce qui est la monnaie d'échange à notre époque. À l'époque du professeur Asselem, il y avait le dinar et le dirham. Le dinar, ce n'était autre que de l'or, et le dirham, ce n'était autre que de l'argent. À notre époque, ce sont des euros, par exemple. Même pour avoir des euros, il faut l'or en banque. Non ? L'État, la quantité en or pourrait être des billets. Peu importe. Nous, ce qui a de la valeur chez nous, ce sont les papiers. C'est le papier où il y a marqué. Il y a de l'or, quoi. Il y a cet argent qui circule. Non. Mais qu'est-ce qui est représenté par cet or? C'est l'argent. Donc, tu as un billet de 100 euros, il y a marqué 100 dessus, c'est un bout de papier, mais il vaut 100 euros. Il a une valeur. C'est une monnaie d'échange. Donc, tout ce qui est une monnaie d'échange, riba intervient dedans. D'accord? D'où le fait qu'il est interdit, qu'il m'est interdit de te prêter 100 euros et toi de me rendre 150 euros au bout d'un an. Pourquoi? Car l'euro ici, c'est une monnaie d'échange qui est similaire à l'or et à l'argent. Hein? Le taux de change. On va en parler, Inch'Allah. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si tu ne dis pas que l'euro est similaire à l'argent et à l'or, dans ce cas, tu as le droit de prêter 100 euros et de récupérer 150. Vous avez compris? Et les savants, il y a une règle en islam, c'est que l'islam ne différencie pas entre deux choses similaires. Ça, c'est une règle. Lorsqu'une chose est interdite, la chose qui ressemble à celle-ci est interdite aussi, bil-qiyas, par analogie. D'accord? Allah Azza wa Jalla a interdit al-khamr. Il a interdit le vin, parce qu'il est enivrant. Et l'islam a interdit tout ce qui enivre, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa couleur, à partir du moment où il enivre, il est interdit. Pareil pour l'or et l'argent, tout ce qui est similaire à l'or et à l'argent, qui a une valeur, qui est une monnaie d'échange, qui vaut quelque chose chez les gens et avec laquelle ils font leurs transactions, alors ceci entre dans Ar-Rabawiyat. Alors le riba intervient dedans. Ensuite, les savants ont regardé le hadith du professeur Asselin lorsqu'il parle du blé, al-bur wa sha'ir wa tamru wa al-milh. Le blé, l'orge, les dattes et le sel. Et là, les savants sont divergés. Certains ont dit, ce sont des choses qui se pèsent ou qui se mesurent. Car à l'époque du prophète sallam, cela était vendu ni par mesure, entre mesure de maud, de sa', etc. Tout ce qui se mesure et qui est de la nourriture entre dans Ar-Rabawiyat. C'est-à-dire, le riba intervient dedans. Pourquoi? Car ce sont de la nourriture. Le blé, l'orge, les dattes et le sel. Donc, tout ce qui est similaire à ceci, qui est de la nourriture et qui se mesure, a le même jugement. Par exemple, le riz, comme tu l'as dit. Les pâtes. Les pâtes, justement, on va en venir. Et tout ce qui est de la nourriture. Certains savants disent cela. D'autres savants disent, comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure, mais qui fait partie des aliments essentiels de la vie. Qout. Kulluma yu'kalu wa yuzanu wa huwa qoutan. Wa huwa qoutun. Car le blé, c'est une denrée essentielle. L'orge aussi, d'accord? Les dattes, au temps du professeur Asselem, c'est une nourriture principale. Au temps du professeur Asselem, les dattes, c'était une nourriture principale. D'accord? Donc ça c'est l'avis de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Si on prend l'avis de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, est-ce que les pommes font partie des éléments des denrées essentielles? Non. Tu peux te passer de manger les pommes, les oranges. Je pense pas qu'il y ait un peuple où la pomme c'est tu peux trouver des choses comme le blé, l'orge, la farine, le pain, le poisson. Par exemple, il y a peut-être des pays où la denrée essentielle dans le pays c'est le poisson. D'accord. Mais la pomme, je pense pas. Allah alayhi. La pomme, je pense pas que ce soit. S'il n'y a pas de pomme, le pays ne peut pas vivre. Non. C'est un. On va pas dire c'est un luxe, mais c'est un. C'est secondaire. Voilà. C'est secondaire. Selon l'avis d'Ibn al-Qayyim, on a le droit de vendre un kilo de pommes rouges pour un kilo et demi de pommes vertes, par exemple, ou jaunes, parce que les pommes ne font pas partie de l'qout. Ne font pas partie des aliments essentiels. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui, considère que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Autrement dit, tu n'as pas le droit d'échanger un kilo d'orange par un kilo et demi d'une autre sorte d'orange. Car l'orange, c'est de la nourriture. C'est quelque chose qui se consomme. Et c'est la divergence des savants à ce sujet. Donc certains savants disent, c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, même s'il ne se mange pas. Car ils ont dit que le Prophète a interdit cela, car tout ce qu'il a cité, soit il se pèse, soit il se mesure. D'accord ? D'autres savants ont dit, comme le Qayyim, c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui fait partie des aliments essentiels. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Le premier avis, même si ça ne se mange pas, c'est pas une chose à faire. Même si ça se mange pas. Du sable, c'est pas bon. Du sable, par exemple, oui. Mais là, les deux avis les plus connus, c'est celui de l'imam al-Qayyim et celui de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et concernant al-kaylu ou al-wazn, concernant le fait de ce qui se mesure et de ce qui se pèse, cela est rapporté dans une version de l'Bayhaqi que Cheikh al-Albani rahimahullah a rendu hassan, a jugé bonne, où le professeur Sam a cité le même hadith. Sauf qu'il y a un plus dans la version de l'imam Bayhaqi où le professeur Hassan a dit lorsqu'il a dit إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَكَذَلِكَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنِ. Et le professeur Hassan a dit dans la fin du hadith, et lorsque les catégories ou la nature diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela se fasse de main à main, et également الْكَيْلُ وَالْوَزْنِ, et également ce qui se mesure et ce qui se pèse. Est-ce que c'est clair? Hein? Et maintenant, on revient sur le point de tout à l'heure, sur le fait de vendre de l'or par de la nourriture, par exemple. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que l'auteur n'a pas cité, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et les gens se prêtaient les dattes pendant une durée d'un an ou deux. Il faisait as-salam. On en avait déjà parlé de salam. C'est le fait de je te donne de l'argent et pour que tu me donnes des dattes dans deux ans. et je te paye un prix faible parce que les dates, je ne les ai pas de suite. Et ceci, on l'avait vu la dernière fois, dans les cours précédents, cela profite à la fois à l'acheteur qui achète des dates à un prix bas et également à l'agriculteur qui, lui, a de l'argent sur quelque chose qu'il n'a même pas encore produit. Et le professeur Asselam avait donné une condition. فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. Que celui qui emprunte dans une mesure bien déterminée, dans un poids bien déterminé et pendant une durée bien déterminée. C'est-à-dire que tu as le droit de faire Asselam à condition que la mesure ou le poids soit défini. Voilà, je te donne 2000 euros pour que tu me donnes 100 kilos de dattes dans 6 mois. D'accord ? Et ici, je t'ai donné de l'argent pour que tu me donnes des dates. Mais est-ce que les dates, tu me les as données sur place ? Non. Et le professeur Hassan a autorisé cela. Si c'était interdit, le professeur Hassan n'aurait pas manqué de l'interdire. Et de ce hadith, on en déduit qu'il est autorisé d'échanger de l'argent par de la nourriture, d'accord ? Même si la transaction ne se fait pas de suite. Contrairement aux autres. Contrairement à la vente entre le blé et l'orge. Mais pourquoi ça ne rentre pas dans l'aléatoire, ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de l'avoir. Justement. C'est ça que le professeur Hassan a donné comme condition. Bikayl al-ma'loum wa wazn al-ma'loum ila ajal al-ma'loum. Justement, il y a ce caractère aléatoire, mais on avait dit que dans le caractère aléatoire, qui était permis dans certains cas, on avait donné les deux conditions, c'était qu'il y ait la nécessité et qu'il y ait et que le caractère aléatoire soit minime. D'accord ? Et là, en définissant à la fois le poids, la mesure et le temps, là, tu minimises le caractère aléatoire. Tu ne me donneras pas n'importe quelle date, tu ne me donneras pas la quantité de dates que tu veux, et tu ne me les donneras pas quand tu voudras. Tout est défini et mis en accord auparavant. On a tafi bihada al-qadr, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.